en couleur, en concert, sur RQC. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Avec vous jusque 10h30, Scream pour l'émission Backstage. Aujourd'hui, un Backstage live. Et j'ai décidé de vous parler d'un live. On peut considérer ça comme un live, ou il y en a d'autres qui disent que c'est un faux live. Il s'agit bien entendu de Duran Duran avec leur album Arena, qui était sorti en 1984. Voilà, pourquoi faux live? Ben, quand on regarde les vidéos, le DVD, il y a eu des rajouts et des choses comme ça, donc les détracteurs disent que c'est un faux live qui a été retravaillé à fond en studio et tout. Bon, on va un peu dévoiler comme ça cet album qui, pour moi, est l'un des meilleurs concerts de Duran Duran à la bonne époque. Juste avant de commencer, je vous parlerai un tout petit peu de Duran Duran, mais en quelques mots comme ça, c'est plus le live qui nous intéresse aujourd'hui. Et on va d'abord s'écouter donc un extrait, le premier extrait de cet album live. Et on va s'écouter Is There Something I Should Know. Donc c'est la plage d'ouverture de cet album live de Duran Duran, Arena 84. Please tell me now, is there Voilà, donc premier extrait de ce live Arena de Duran Duran. Is there something I shall know? C'était la plage d'ouverture de ce live. Backstage live, bien entendu, de cette semaine. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore Duran Duran, ce qui m'étonnerait, car ils exercent depuis 1978-1978 quand même. Hein. Duran Duran est un groupe anglais originaire de Birmingham. Il fait partie de la nouvelle vague des nouveaux romantiques, on peut dire ça comme ça, associé à la New Wave dans les années 1980. C'était une très bonne année. Question New Wave, question Zik, dans ce genre bien entendu. Hein. Duran Duran est aussi connu pour la qualité de ses clips. On se rappelle notamment The Reflex, Planet Earth, Union of the Snake, plein d'autres. Ce groupe a été créé en 1978 par Nick Rhodes qui était au clavier et John Taylor à la basse. Ils sont ensuite rejoints par Roger Taylor, batterie, Andy Taylor, guitare et Simon Lebon au chant. Les trois Taylor que je viens de citer n'ont aucun lien de parenté ensemble. Hein. Il n'y a que Roger Taylor qui est un homonyme de Roger Taylor, le batteur de Queen. Il a voulu prendre le même nom que le batteur de Queen, tout simplement, car c'est de son idole. Les membres de l'équipe ont souvent changé durant les années pour inclure à la guitare notamment Warren Kunsrelo de 86 à 2001 en remplaçant Andy Taylor qui était parti en 86 faire une carrière solo, une très bonne carrière solo d'ailleurs, et à la batterie Steve Ferron de 86 à 87, puis il est revenu en 93, et de Sterling Campbell de 89 à 91, ils sont toujours initialement. Andy Taylor, lui, quitte de nouveau le groupe, il est revenu, il est reparti, il quitte donc le groupe Duran Duran, qui était surnommé aussi les Five Five en été 2006. En 2007, alors que Duran Duran reçoit un Brit Award d'honneur pour l'essentiel de sa carrière, le magazine Billboard indique que les ventes du groupe dépassent 80 millions d'albums dans le monde et d'autres personnes disent qu'ils sont même à plus de 100 millions. Voilà, c'était juste la parenthèse que je voulais vous faire sur cet album, sur ce groupe Duran Duran, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça m'étonnerait beaucoup, car des titres vont vous parler, vont vous dire... Bah, oui, j'ai dansé sur ça, j'ai chanté sur ça aussi, pourquoi pas. Là, on va s'écouter le deuxième titre de Duran Duran, donc extrait de l'album Arena, qui est le backstage de cette semaine, backstage live, bien entendu. On va s'écouter Hungry Like the Wolf de Duran Duran. Backstage, les coulisses du son. Is anybody hungry? The city, night is a wire, saving the suffering, the earth is a fire. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Oh man, you want me, keep me aside. Voilà, donc c'était Hungry Like the Wolf, deuxième extrait de cet album Arena. Donc on m'a demandé pourquoi ils étaient surnommés aussi les Fab Five. Et ben c'est tout simplement les frères Béraud, donc qui espéraient une renommée mondiale d'un album où figurait New Moon on Monday. De Duran Duran, une renommée mondiale, donc ils ont pris une référence aux Beatles, les Fab Four, et eux ils se sont tout simplement fait appeler les Fab Five. Alors voilà, on rentre dans le vif du sujet maintenant avec l'album Arena. Arena est un album live du groupe Duran Duran sorti en 1984 et il a été réédité en 2004 avec deux titres bonus. L'album est sous-titré Record Around the World 1984, donc autour du monde 1984, enregistré donc cette même année, et contient principalement des titres de l'album Rio sorti en 82 et Seven and the Ragged Tiger sorti en 83. Il contient également un inédit. Ben, l'inédit, c'est The Wild Boy, produit par Nile Rodgers et enregistré en juillet 1984 au Maison Rouge Studio de Londres. Voilà, donc c'est pour vous décrire un peu cet album. Il était même classé un peu en pop, rock alternatif, new wave et synthé pop. Et il a été produit par Nile Rodgers et Duran Duran. C'était sur le label Parlophone Capitol aux États-Unis, en Angleterre, donc Parlophone. C'est un superbe album. Il y a eu beaucoup de singles qui étaient sortis à cette époque. On va en venir parce qu'il y a aussi des critiques sur cet album. Que je vais me faire le plaisir de vous parler. Hein. Et juste avant, on va s'écouter un titre, encore une fois, de Duran Duran Arena. Donc, je vous rappelle qu'il y a le backstage de cette semaine, backstage live cette fois-ci. On va s'écouter New Religion, donc de Duran Duran. En couleur, en concert, sur RQC. Signs and things telling me not them and it's no go. I need a reason, I can't think without one now. Too much learning got to show. Call it treason, maybe catch you don't know how. Too many things, too much to know. Mm-hmm. coming and the seagulls gather on the wing. They just screaming, lady, leave me out. Sometimes people stay sitting down, electric chairs, steaming clouds, they gather and they shout. Take a little chance, boy, got a fight, you can take him if you're fast. Didn't I say you'd be holding on, you'd be laughing at the last. I'll get along fine with the friends of mine, but you have to make a choice. You're singing on a tune, but it beats it down, the ass who makes the noise. I'm talking for free, I can't stop myself. It's a new religion, something to see. I can't help myself, it's a new religion. Okay, my reasoning might be clouded by the sun, but someone sees the departmental line. In on his peacetime, jabbing fist and stabbing knife, only get one look before you die. Take him on a chance, boy, got a fight, you can take him if you're fast. Didn't I say you'd be holding on, you'd be laughing at the last. I'll get along fine with the friends of mine, but you have to make the choice. You're sick on a dream, but it'll be two times as you makes the noise. Talking for free, I can't stop myself. It's a new religion, oh, something to see. I can't help myself, it's a new religion. Voilà, troisième extrait de Duran Duran Live Arena. Et il s'agissait tout simplement de New Religion. Alors on arrive dans les critiques de ce live. Comme je vous ai dit, pour certains détracteurs aussi, c'est un vrai live, c'est un faux live. On n'en sait pratiquement rien à mon avis. Ayant l'habitude d'écouter beaucoup de musique quand même, je crois que cet album live a été énormément retravaillé en studio. Et bon, pour les clips, ça on sait très bien, les vidéos tirées de ce live ont bien entendu été retravaillées. C'était pas possible autrement. Vous n'avez qu'à regarder pourquoi et vous comprendrez tout simplement. Alors, certains critiques étaient sceptiques sur le concept de l'album et ont notamment observé que certains titres n'y figuraient pas. The Reflex, The Girl on Film, rajouté sur la réédition, dont la réédition de 2004 que je vous ai parlé, et Rio, rajouté aussi sur cette même réédition. Le journaliste français Yves Bigot décrit notamment l'album comme maillon jaune du plus mauvais live jamais publié pour un groupe majeur. Dans une interview du groupe, dans le même article de Yves Bigot, John Taylor défendra avec détermination cet album. Je vous dirai ce que John Taylor a dit justement de son, on va dire de ça, de son bébé, hein, parce que les musiciens, quand ils accouchent d'un album, quand même, c'est, ils ont une fierté quand même, même si des fois ils passent un peu plus mal que d'autres. Donc voilà, il a défendu son album. John Taylor, bien entendu, qui était le guitariste bassiste, guitare basse de Duran Duran, qui est revenu au sein du groupe, bien entendu. On va s'écouter un autre extrait de cet album qui, pour moi, même si on peut dire ce qu'il en est, que c'est peut-être un faux live, il a quand même été enregistré avec un public. C'est surtout les rajouts vidéo, notamment je peux vous donner certains exemples, comme par exemple sur Planet Earth ou des choses comme ça, où on voit par exemple Simon Lebon qui tend la main, qui tend le doigt, qui pointe du doigt certaines personnes dans le public, et qui a un éclair qui part de son doigt, qui va toucher le public et tout ça. Tout ça, bien entendu, ça a été rajouté sur des rajouts vidéo, comme on vous le disait tout à l'heure en début d'émission. Ils étaient très très renommés pour leur qualité de clip, donc ils ont un peu joué aussi sur cette voix, et ça a bien marché quand même, hein. Il existe même aussi un DVD que vous pouvez vous procurer, qui s'appelle DVD Live Arena Duran Duran, bien entendu. On va s'écouter Save a Prayer de Duran Duran, toujours sorti en 84 sur cet album Arena. Flashing on your windowsill, all alone ain't much fun, so you're looking for the thrill, and you know just what it takes and where to go. Save it till the morning. Voilà, donc c'était le quatrième titre, Save a Prayer, donc extrait de l'album Arena, Backstage Live aujourd'hui, consacré à Duran Duran pour cet album sorti en 1984. Donc tout à l'heure, je vous disais que Yves Bigot n'avait pas été tellement sympa avec le groupe, et John Taylor, lui, a voulu se justifier, tout simplement en disant c'était un disque important pour nous, les 7 mois précédant sa sortie, nous les avions passé exclusivement sur scène autour du monde et nous avions le sentiment très fort qu'il fallait en garder une trace quelque part. Si nous n'y avions pas tenu autant, on se serait contenté de publier une compilation. Nous voulions à tout prix prouver aux sceptiques que nous étions un vrai groupe qui passait la rampe sur scène et pas uniquement des pantins qui ne connaissaient qu'à à travers leurs clips. C'est d'ailleurs pour ça que les vidéos de The Reflex nous montrer sur scène. Voilà, c'est ce que John Taylor, guitare et clavier, guitare basse bien entendu, et clavier, a dit en 1987, a répondu donc aux accusations, à Yves Bigot qui traitait tout simplement cet album de maillot jaune. Mais bon, comme je dis et je certifie et je signe bien entendu que cet album a été très très très retravaillé, notamment si on l'entend sur les pistes. Quand on pourrait percevoir du public crier ou chanter, ce n'est pas le cas et c'est malheureux. Bon, enfin, voilà, ils ont quand même eu le courage de le sortir, cet album live. Et bien au contraire, ils l'ont bien fait car moi, je le possède en DVD et c'est super. J'aime bien encore de le mater car c'est bien, ça me rappelle les bonnes périodes. Alors, on va continuer cette programmation musicale, bien entendu, avec donc Arena. Et là, on va s'écouter Wild Boy. Si vous vous souvenez du clip, c'est un peu assez marrant. Ça faisait un peu penser aussi à l'époque Mad Max. Enfin voilà, je vous laisse un peu regarder écouter ce clip. Et si vous voulez, vous allez sur les chaînes et vous regardez le Wild Boy et vous allez vous souvenir de ce clip car il passait énormément. Vous écoutez Backstage. Try! Voilà, où sont les cris du public? Voilà, on se pose la question. Wild Boys, qui lui était sorti en octobre 84. Donc, je vais vous parler un peu des singles qui sont sortis. Hein. Save Prayer en single est sorti en janvier 85, aux USA uniquement. Planet Earth en Espagne uniquement en 85 aussi. Et I See Something I Should Know, qui lui était sorti en Argentine en 85. L'album s'est quand même très très bien vendu, se classant respectivement entre la 6e et 4e place au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il faut savoir aussi qu'il y a de nombreux films-concerts, donc je vais vous donner les références tout à l'heure. Je veux juste vous dire que donc sur cet album, il figure aussi Simon Lebon donc au chant, Nike Rhodes au clavier, John Taylor guitare basse, Roger Taylor batterie, Andy Taylor guitare. Donc je rappelle, c'est pas des frères, hein, je tiens bien à le dire. Alors John Corsaro, qui est ingénieur du son et au mixage, et George Tucto, ingénieur du son. Juste avant de vous parler des films, on va s'écouter encore un titre de cet album, The Seven Stranger Arena, donc des Duran Duran, sorti en 84. En couleur, en concert, sur RQC. Those words are all fingers, echoes glowing in the heart of twilight. They lay back laughing at naivety star. Oh, wicked darkness whispers, the dusty shadow of a passing favor. I wouldn't say that you were ruthless or right. I couldn't see from so far. Was I chasing after rainbows? One thing for sure, you never answered when I called. And I wiped away the water from my face to look through the eyes of a stranger. As in the wake of such a lonely ground, trading in my shelter for danger, I'm changing my name just as the sun goes down in the eyes of the stranger. And so the real when all these faces look the same to me, in every city such a desolate dream. Some days are strange to them, but some say the seventh sounds a little bit stranger. Sunday seems to drift right by. I could have sworn it was the evening. I'm not seized in desperation. No steel reproaches on the table from before. But I still can feel those splinters of ice. I look through the eyes of a stranger. Trading in my shelter for danger, I'm changing my name just as the sun goes down in the eyes of the stranger. I must be chasing after rainbows. one thing for sure, you never answer when I call. And I wipe away the water from my face to look through the eyes of a stranger. My room is in the wake of such a lonely ground, trading in my shelter for danger. I'm changing my name just as the sun goes down, walking away like a stranger. Shelter for danger. I'm changing my name just as the sun goes down in the eyes of a stranger. Oh, in the eyes of a stranger. Voilà, The Seven Stranger, donc de l'album Arena, l'album live de Duran Duran. Donc, comme je vous le disais, de nombreux films documentaires sont la tournée sont sortis. Donc, il y a aussi dans ces films, il y a Sing Blue Silver, documentaire de 60 minutes, diffusé sur MTV, puis édité en VHS et DVD par la suite. Il montre surtout les parties, la partie nord-américaine de la tournée de 83 et 84 avec des extraits de concerts ainsi que des coulisses en compagnie du groupe. Il y a aussi l'Arena and Asbury the Nation, film de Russell Mulcahy, qui, en plus de montrer des extraits du concert, revient sur les origines du groupe et de leur nom, inspiré par un personnage du film Barbarella. Et il y a aussi As the Light Go Down, concert filmé à Oakland, Californie, diffusé en télévision et en partie visible dans Arena and Asbury Nation. Voilà, donc ça, c'est si vous voulez vous procurer ces produits, on peut toujours les trouver, bien entendu, sur des plateformes ou chez des bons disquaires, car il en existe encore. Voilà. Alors, avant de vous dire les descriptifs des différentes éditions, on va s'écouter Union of the Snake, un bon titre de Duran Duran qu'ils ont repris sur leur album Live Arena. Backstage, les coulisses du son. Drawing, since he's Voilà, donc c'est Live Arena, donc c'était Union of the Snakes, c'était Duran Duran, le 8e extrait donc de cet album. Alors, dans les albums, là, l'édition 1984, il y a Are This Something I Shall Know, Hungry Like the Wolf, New Religion, Save a Prayer, The Wild Boy, The Seventh Stranger, The Chauffeur, Union of the Snake, Planet Earth et Carl Less Memory. C'est un album donc, de 10 titres qui était sorti en 84 et ils en ont rajouté deux en 2004 avec tout simplement à la fin Girls on Film et Rio. On va s'écouter un titre qui était sorti à l'époque en 1980 qu'ils ont mis sur leur tournée Arena. C'est pour moi l'un des meilleurs titres de Duran Duran. Ça me concerne que moi bien entendu. Hein. Sur ce titre, j'adore cette chanson qui s'appelle tout simplement Planet Earth. Je vous invite même à regarder si vous voulez voir vraiment, donc quand on parle des rajouts vidéo et tout ça, tapez ce titre sur les chaînes et vous verrez bien entendu ce qu'on veut dire par rajout vidéo et tout ça. On va s'écouter Planet Earth donc de Duran Duran, extrait de l'album Live in Arena, sorti en 1984, les amis. Vous écoutez Backstage. The night fall with the rain. I heard you making patterns rhyme. Some new romantic looking for the TV sound. Switch it off. You'll see I'm right some other time. Love. Look now, look all around. There's no sign of life. Voices, another sound. Can you hear me now? This is planet Earth. You're looking at planet Earth. Ba ba ba ba ba ba ba. This is planet. We'll be right back. Voilà, donc c'était Duran Duran, extrait de l'album Arena, sorti en 84, Planet Earth. Il est bientôt l'heure de se quitter, les amis. Et oui, ça passe vite une heure. Voilà, donc c'était le backstage dédié à cet album mythique de Duran Duran, hein, Arena, sorti en 84. Donc maintenant, on se pose la question, est-ce un vrai live, est-ce un faux live? Vous pouvez avoir votre opinion, vous forgez votre opinion. Mais moi, je vous invite franchement à vous procurer cet album car il est excellent et encore plus la vidéo. Alors je vais vous rappeler quelques chiffres comme ça. C'est un album qui était sorti en novembre 84 et en juin 2004 pour la réédition, enregistré donc sur le nom de Autour du Monde 84, Record Around the World 1984. Il dure 47 minutes 54 pour la première édition. Je dis bien pour la première, vous rajoutez plus ou moins une 12 minutes pour la deuxième. Donc on arrive plus ou moins aux 60 minutes. Pour la réédition de 2004. Et donc, c'est considéré en genre pop, rock, alternatif, new wave et synthé pop. On l'entend fort, le synthé. Alors, il a été produit par Neil Rogers et Duran Duran. Sorti sur le label Parlophone pour l'Angleterre et Capitol pour les États-Unis. Et bien entendu, les membres du groupe à l'époque, c'était Simon Lebon, Nick Rhodes au clavier, John Taylor, guitare-basse, Roger Taylor batterie et Andy Taylor guitare. Voilà, on se quitte les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau backstage. Ce sera un album studio cette fois-ci, je ne sais pas encore quoi, vous aurez la surprise. Et on va se quitter avec Careless Memory. Ciao les amis, à la semaine prochaine. En couleur, en concert sur RQC. Just after you're gone, my senses sharpen. But it always takes so damn long before I feel how much my eyes have darkened. Fear hangs a plane of gum smoke, drifting in our room. So easy to disturb with a thought, with a whisper. Who's the careless memory? Who's the careless memory? On a table, signs of love lies scatter. At the walls break, with the crashing weapon. It's not as though you really matter to me. But being close, how could I let you go without some feeling, some precious sympathy far away? Behind a plane of gun smoke, drifting in our room. So easy to disturb with a thought, with a whisper. I try to find a new day, but the whole place, it just screams in my eyes. Where are you now? 'Cause I don't want to meet ya. I think I'd die, I think I'd laugh at you, I know I'd cry. What am I supposed to do? Follow you? Outside the thoughts come. Ooh, ooh. te quiero.